Nous sommes donc au quatrième dimanche de Pâques, dans cette période de 50 jours qui sépare la Pâques de la Pentecôte. Nous entendons les Actes des Apôtres, qui est comme la première histoire de l'Église, l'Église qui est le fruit du mystère pascal, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ. Nous avons dans la décoration de cette église, une récapitulation du kérigme, de l'essentiel du message chrétien, à savoir la croix au fond. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, dit Paul, aux premières lettres aux Corinthiens, chapitre 15. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité des morts, selon les Écritures. Donc le Christ a essuyé la souillure de notre péché sur la croix. Le plus de la croix a enlevé la dette, le moins du péché, non seulement du nôtre, mais de ceux du monde entier. Il a été enseveli et il est ressuscité. Sa résurrection est représentée ici par le beau cierge pascal. Le Christ, avant de mourir, avait dit à ses apôtres, « Le grain de blé, s'il ne tombe en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, le grain de blé, c'est le Christ. Vous savez que le grain de blé, quand il tombe en terre, si effectivement il germe, il va donner un épi avec 30, 50, 100 fois lui-même dans sa propre semence. Eh bien, c'est la figure du Christ qui est jeté en terre comme le grain de blé. Il germe dans la mort et l'épi, eh bien, c'est nous autres. C'est l'Église, 30, 50, 100 fois pour un, c'est-à-dire que l'Église, c'est le Christ multiplié. Nous sommes le fruit de ce mystère. Et c'est la vie de l'Église depuis 2000 ans qui ne cesse d'être fécondée par cette mort et cette résurrection qui fait germer sans cesse de nouveaux chrétiens. Et pour assurer l'unité de cet ensemble pour conduire tous ces nouveaux-nés à la vie éternelle, eh bien, le Christ a voulu engendrer des pasteurs à l'image de son pastorat, lui, qui est l'unique berger, le berger suprême. Tous les autres pasteurs ne font que prolonger son action ou recevoir de lui la grâce de cette pastorale. Eh bien, le Christ a voulu donc donner au monde des pasteurs à son image, lui, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Dans le chapitre 10 de Saint Jean, le Christ parle de son ministère très controversé auprès des Juifs et il dit que ceux qui ont voulu prendre sa place sont des loups ou des brigands qui viennent pour détruire, mais que lui est venu pour donner la vie en surabondance. Et il dit que ses brebis le connaissent comme lui-même connaît le Père et que le Père le connaît. Donc, Jésus est la vérité et quiconque est de la vérité écoute sa voix. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Donc, les brebis qui écoutent la voix, ce sont ceux qui croient que Jésus est le Sauveur et que par son sacrifice, il est celui qui nous arrache aux puissances de la mort et nous donne la vie éternelle. Ce qui fait que chacun de nous aussi participe de ce mystère qui est celui de Jésus. Nous aussi, nous sommes un grain de blé qui doit mourir, pas au sens d'être anéanti, mais d'être transformé. L'écorce de notre individu ou de notre individualisme, plutôt, doit mourir pour engendrer un homme nouveau, créé saint dans la justice, selon la sainteté de Dieu, pour avoir 30, 50, 100 fois dans son propre épi la première mesure, c'est-à-dire que nous passons d'une vie charnelle, c'est-à-dire uniquement reposée sur nos ressources humaines, après la mort du baptême et la résurrection avec le Christ, à la vie divine, qui n'est pas une affaire de quantité, évidemment, mais de qualité incomparable. Mes brebis écoutent ma voix, c'est-à-dire qu'elles accueillent ce mystère pascal que Dieu gratuitement nous a sauvés moyennant la foi et que plongés dans les eaux du baptême, eh bien, nous participons à son mystère de transformation du monde. Moi, je les connais et elles me suivent. Cette connaissance n'est pas, dans le langage biblique hébraïque, une connaissance intellectuelle, mais une connaissance d'amour et d'intimité. On en parle dans la Bible pour désigner les relations conjugales. Adam connut Ève et il engendra les premiers enfants. Donc c'est vraiment une intimité profonde que le Christ nous invite, et cette intimité, il la compare à celle qu'il partage avec son propre Père. Or, comment entrer dans l'intimité d'une personne divine si lui-même ne nous donne pas cette grâce divine d'y participer? C'est pourquoi nous connaissons de cette connaissance qui est l'Esprit-Saint. Saint Jean dit, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, vous avez reçu l'onction. Une manière de dire que cette connaissance, elle nous vient comme d'une intuition spirituelle. À mesure que nous fréquentons plus profondément, plus assidûment le Christ, nous nous connaissons intimement, comme dans l'intimité d'un couple. Et cette intimité peut aller, j'allais dire, jusqu'à l'infini, puisqu'on peut dire que la Trinité est une intimité achevée. Donc, mes brebis écoutent ma voix, elles croient dans ce mystère de salut, elles veulent y participer, elles veulent vivre de cette vie nouvelle de l'Esprit qui est 30, 50, 100 fois supérieure à la vie purement humaine. Et elles me suivent, c'est-à-dire que nous voulons imiter Jésus dans notre vie et obéir comme les brebis obéissent à leur berger, car elles ont confiance que le berger les guidera vers les pâturages et les eaux du repos, comme dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, me mène vers les eaux tranquilles et me conduit par les sentiers de la justice. Je ne manque de rien, c'est-à-dire de ce qui est l'essentiel, c'est la vie du Père et du Fils, la vie de l'Esprit qui nous est donnée. » Et cette nourriture, elle nous est communiquée par la parole de Dieu que nous écoutons, mais aussi par la chair et le sang de Jésus donné en nourriture. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Autrement dit, par la communion eucharistique, nous entrons justement dans cette intimité que Jésus a lui-même avec son Père et qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une relation parfaite du Père au Fils que le Fils veut reproduire avec chacune de ses brebis. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main, dit Jésus, parce que le Père qui est plus grand que tout me les a donnés, et nul ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père est plus grand que tout, c'est-à-dire plus grand que Satan, que les puissances de la mort qui continuent leur œuvre terrible dans ce monde, mais tout cela c'est l'œuvre de créatures spirituelles révoltées, tandis que le Créateur, lui, est plus grand que tout. Et c'est lui qui a donné à Jésus ses brebis qu'il a rachetées de son sang. Ce qui fera dire à saint Paul dans l'Épître aux Romains, « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, le Père, manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. » Lui qui est Dieu et qui est mort et qui a mis dans la balance tout le poids de sa divinité pour racheter cette pauvre population humaine. Donc, le bon pasteur veut rassembler ses brebis et il continue d'œuvrer. Il œuvre dans cette liturgie à travers le signe du prêtre, à travers, comme je l'ai dit, les paroles, la parole, le sacrement de l'Eucharistie, pour faire de vous aussi ce que vous êtes devenus par le baptême, c'est-à-dire des bergers, car vous êtes prêtres, prophètes et rois par le baptême, rois ou pasteurs. Et le Seigneur compte sur vous pour rassembler ce qui est dispersé pour tant de gens aujourd'hui qui n'ont pas de berger et qui sont perdus, qui ne savent pas d'où ils viennent ni où ils vont et qui n'ont rien à se mettre sous la dent, si j'ose dire, de quelque chose qui rassasie notre faim d'amour et notre soif de vie éternelle. Ils n'ont personne à qui obéir et ils ont peu de repères solides dans un monde où on leur dit « Eh bien, ce que tu as envie de faire, c'est très bien. Ce que tu sens, c'est ça qui est bien. » Ce qui est un désastre, évidemment. Et on en voit beaucoup de conséquences aujourd'hui. Non, nous avons un berger qui cherche sa brebis égarée jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et quand il l'a trouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et il la ramène au bercail en disant « Je l'ai retrouvée, ma brebis qui était égarée. » Eh bien, c'est vous qui êtes ce berger, vous et moi, dans la communion de l'Église, qui allons vers cette brebis égarée jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée et que nous puissions la ramener dans le bercail, qu'elle puisse se nourrir, elle aussi, de ce qui fait notre joie, qu'elle puisse goûter à cette communion, cette unité du troupeau que le Christ continue de rassembler. Voilà, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, le grain de blé est mort et l'épi germe à travers les siècles, l'Église qui rassemble ce qui était dispersé dans la bergerie du Père en nous nourrissant des nourritures de la vie éternelle, il fait de nous des bergers. Amen.